Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Bon matin, Sophie Laforêt. Comment vas-tu en ce beau mardi pluvieux? Bien, on s'y fait. C'est ça, l'automne? Ben oui. Donc, il faut passer outre la météo. Ben, mais ça va bien. Il aurait pu neiger ce matin. Ça aurait été plus beau, par exemple. Ouais. Non? Ben. Faut pas penser à pelleter et tout ça, mais c'est beau, la neige qui tombe. Surtout la première. Ouais. On se tanne vite, en tout cas, dans mon cas. Là. OK. Sophie, tu nous parles des sorties de disques? Oui, donc avant d'y aller avec la critique d'album, aujourd'hui, 13 octobre, les sorties disques en magasin. Il y a d'abord Dead by Sunrise, qui en fait le projet solo du chanteur de Linkin Park. Ensuite, il y a The Flaming Lips, qui sortent l'album Embryonic. Ensuite, Kings of Leon, avec un album de reprise, donc Remix Album. Et Editors, l'album In This Light and On This Evening. Et finalement, la formation montréalaise, Les Amis au Pakistan, qui sortent leur deuxième album, Cosmétique Cosmique. Ça en fait beaucoup. Oui, c'est donc, ça. Donc, beaucoup de choix en ce qui concerne les sorties principales. Les sorties, on s'entend, parce qu'on a une foule d'autres. On les nomme pas toutes. C'est celles qui ont retenu notre attention. Et voilà. Sophie, tu nous parles ce matin de M. Oui, ou plutôt Mathieu Chédid, qui performe sous le nom de M. Donc, son album Mystère, son quatrième album, est sorti mardi dernier. Donc, avant d'en faire une courte critique, on va l'entendre une première pièce, soit la pièce titre de cet album, Mystère, de Mathieu Chédid, ou M. On écoute ça immédiatement à la pilule du lendemain. Ciel de pierre, Mister Mystère kiffe la chair glaciale et claire. Mister Mystère aime l'éclair qui fend la terre. Mister Mystère adhère, possède de sa grand-mère. Mister Mystère. Mister, Mister, Mister. Mister, Mister parcourt les mers et les déserts. Mister, Mister, jambes de fer et œil de verre. Mister, Mister, adore les terres dans sa glacière. Bien. Sophie? Et oui. Tu en penses quoi? Alors voilà, c'était la pièce-titre de cet album-là. Donc, pour y aller avec ma petite critique de l'album, eh bien, Mathieu Chédid n'en est pas à son premier disque. C'est son quatrième disque qu'on a entendu. Puis, c'est un auteur-compositeur français qui fait dans la chanson française rock aux tendances un peu funk. Puis, c'est un musicien avant tout, donc il joue la guitare, basse, batterie, clavier, ainsi okay. de suite. Puis, on l'a connu, entre autres, parce qu'il a joué en tant que musicien avec la formation française Trio et Vanessa Paradis. Donc, il est guitariste avant tout. Puis, je vous dirais que... Bon, je vais le dire tout de suite, là. C'est vraiment pas un album que j'ai aimé. Puis, c'est pas parce que j'aime pas ce qu'il fait de façon habituelle. C'est pas un artiste non plus là, que je vénère. Mais quand même, je sais qu'il a fait des albums. Les deux précédents albums, soit « Qui de nous deux » et « Je dis M » en 2003 et 99, étaient des albums qui, selon moi, étaient beaucoup... plus originaux et plus accrocheurs que celui-ci. Mais malgré tout, là, je veux dire, c'est pas un album qui est sans intérêt. Puis j'aime mieux dire d'avance que les critiques sont un peu mitigées. Là. Je suis allée jeter un œil un peu pour voir si j'étais la seule à pas avoir aimé l'album. Mais non, c'est assez mitigé. Là. Je voudrais qu'autant qu'on y va avec des très bonnes notes, avec des notes vraiment plus faibles. Sinon, pour ce qui est des pièces, il y a une pièce, entre autres, moi, qui ne m'a pas du tout accrochée, qui est « Am C'est Tout », qui est une pièce qui est vraiment similaire à ce que Amadou et Mariam font. C'est un duo qui vient du Mali, donc de la musique africaine. Je trouvais pas du tout que c'était dans son répertoire, même si, on le sait, il a déjà collaboré avec ce duo-là, justement, sur leur dernier album « Welcome to Mali ». Donc, c'est un album qui est plutôt fade, plat. Il y a vraiment des pièces là, que j'aurais enlevées, tout simplement, de la liste. Mais malgré tout, c'est un très bon musicien, mais on le sent, ça. C'est vraiment un trip musique qui réussit à créer des belles ambiances musicales. Mais je trouve que souvent, les paroles et la voix vont comme... C'est là que ça accroche, hein? Oui, ça manque de cohésion avec ce qu'il est offert musicalement. Okay. Puis, on le sait, Mathieu Chédid chante avec une voix plutôt aiguë, puis ça lui sert pas toujours très bien, cette voix-là. Sur 5? Sur 5, 2.5. Moi, c'est toujours la partie qui m'intéresse. Ouais. Puis c'est la partie la plus difficile. Là, donc, on s'entend noter un artiste. Là, c'est bien aléatoire. Un 2.5. Un 2.5. Donc, comme je... Hey, c'est ta note la plus basse. Oui, à ce jour. Oui. Bon, c'est sûr que l'émission est jeune encore. Oui, l'émission est jeune, mais comme je l'ai dit, c'est une question de goût aussi. Là. Moi, ça ne m'a pas accroché. J'ai pas aimé l'album, mais ça ne veut pas dire que ça ne plairait pas à nos auditeurs, puisque, comme je l'ai dit, les critiques sont partagées. Donc, à vous d'entendre et de faire votre propre critique. Et comme Sophie Laforêt fait les choses comme elles doivent être faites, nous propose toujours l'écoute de deux pièces. Oui, pour justement pouvoir... se faire une meilleure idée. Exactement. Donc, la pièce qu'on va entendre, toujours de l'album Mystère, Mystère de Mathieu Chédid, ou plutôt M, son nom d'artiste, on va entendre la pièce Tout sauf toi. OK. Demain, Sophie, on parle de quoi? Demain, on va parler du Festival Diapason de Laval, qui est un nouveau festival de musique émergente. Donc, demain, mercredi, à compter de 8h15 pour l'instant, allons écouter immédiatement « Tout sauf toi ». Tu sais, ici, il n'y a qu'une voix, on ne s'échappe pas comme ça. Tu vas au-devant. Et tu dois laisser tout derrière, tout sauf tout, tout sauf toi. Tu sais, ici, y'a que du bois, on ne se chauffe pas comme ça. Tu ne te coupes pas du froid, d'un simple claque, monte-toi, tu dois brûler tout. Son ombre sur les choses. Toi, tu vois.